Très heureux d'accueillir, encore une fois, un gars que j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne m'en cache pas. Jérémy Philosophe du 98.5 et de IMC Radio, également un podcast qui a lancé il y a 2-3 ans pour parler du CF Montréal ou de l'Impact. Salut, Jérémy. Salut! Et notre collaborateur attitré, le plus grand fan, la référence au Saint-Jean, Benoît Lavoie. Salut, Benoît. Salut, messieurs. Bonjour. Jérémy, d'abord, je vais commencer avec toi. Jérémy, jamais, jamais, jamais, j'aurais. D'abord, le décor, il faut dire que tu es en Floride, là. C'est pas un faux décor. Tu as quitté l'asile du Québec. Fait que Ben c'est bien correct. C'est la vraie vie, puis tu fais bien. Jérémy, Ah, écoute, ouais. Si c'est incroyable. À chaque fois que je viens ici en Floride, là, c'est la troisième fois que je viens cet hiver. Ben Je me oui. trouve toutes les excuses pour m'en venir. Puis à chaque fois que je me lève le matin, puis je vois le beau soleil, puis la vie qu'on a ici, Comme en je me dis, 2017, comme en 2018, comme en 2019. Pareil à ouais, ça. ben je me dis bon sang qu'on est bien ici en Floride. Ah oui. Voilà. Jérémy, si on parlait de bord du Canada, moi je suis étonné, je suis surpris, je suis abasourdi du Canada. Moi j'avais dit, sans Alphonso Davies, j'avais 2 nuls, une défaite, puis ce serait bien correct, à peu près. Mais là, c'est 3 victoires. Jamais, jamais j'aurais pensé ça. Ben non, moi non plus. Tu sais, moi, j'avais dit au début de la fenêtre, j'ai dit 4 points, ça serait correct. S'il en ramasse plus, c'est un bonus. Parce qu'on le sait, c'était une fenêtre extrêmement compliquée. Tu as plein de joueurs MLS qui n'avaient pas joué depuis le mois de novembre. Tu avais la complexité de la COVID, le voyagement, le climat, la température. Tout était là pour que ce soit plus compliqué, en plus de l'absence d'Alphonso Davies. Mais contrairement à ça, puis ça, j'en avais discuté à IMFC Radio, les dernières fois qu'on a vu le Canada jouer sans Alphonso Davies, ils ont été extrêmement efficaces. Je te dirais même plus que c'est plus un concept d'équipe quand il n'est pas là, parce que quand Alphonso Davies est là, on dirait que tout passe par la gauche, on veut toujours lui donner le ballon, puis c'est pas nécessairement la meilleure façon de jouer. Donc, écoute, moi, je suis littéralement assommé là, des résultats, là. Hey, Benoît, moi, je parlais avec Francis Millien. Ben, tu as écouté mon podcast avec Francis Millien mardi, puis je disais que Milos Borjan, écoute, on lui doit beaucoup, le Borjan. C'est dans la victoire contre le Mexique, dans le temps ajouté, il a sauvé le match. On ne se trompe pas d'histoire. Et encore, c'est dimanche contre les Américains, il était très, très bon. Là. Borjan, c'est lui. On parle beaucoup d'Alphonso Davies, mais c'est pas mal lui là, aussi. Bien, hier aussi, il faut le dire, là, ben, il s'est peut-être trop avancé un peu sur le lob qu'il a sauvé, là. Il était avancé un petit peu sur le jeu. Il a sauvé quand même le jeu. Oui, Borjan, mais il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas juste bon, Davis, mais David, la façon qu'il marque ses buts. Moi, j'étais surpris du 11 partant hier de Herdman quand même. C'est sûr qu'il veut faire rouler son effectif quand même. Je crois qu'il veut faire jouer les joueurs le plus possible. On l'a vu quand les premiers changements qu'il a fait, qu'est-ce que ça l'a apporté au jeu. Alors, c'était le temps que ça arrive, ce moment-là aussi, là, parce que ça a permis au Canada de prendre l'élan qu'il fallait, même si ce n'était pas évident. Hein. Il n'y a pas un match évident, il n'y a pas une équipe, il n'y a rien de facile. Les matchs qu'on va jouer en Amérique centrale, on a vu l'ancien joueur du Canada, Guzman, qui a partagé de quoi là, quand ça se passe en Amérique centrale. Même les matchs au Canada, il n'y a rien de facile, mais il faut la mettre dedans quand c'est le temps. Et puis oui, Borjan, de gros matchs. Et moi, j'aime bien, par contre, un attaquant là, que Kyle Loren. J'aime bien aussi ce joueur-là, là, très physique, agressif. Et on le voit tout de suite là, quand il apporte là, ce qu'il apporte en avant. En tout cas, c'est intéressant de voir tous ces résultats-là. En tout cas, là, c'est animant. Je porte fièrement le gilet du Canada aujourd'hui. Bien content. Et monsieur, un nationaliste comme toi, ça me fait tellement rire. Hey, mais Jérémy, si on parlait du côté c'est après la décision de la blessure d'Alphonso Davies, c'est la profondeur du Canada qu'il faut mentionner. Hein. Et tu sais, hier, c'était un match piège. Beaucoup disaient que c'était un match piège, mais tu sais, il a bien roulé son banc. Je ne sais pas si on peut appeler ça, même au soccer, c'est bien rouler son banc puis faire en sorte que tout le monde veut être dans le projet, là. C'est pour ça que c'était pas un match piège hier. Non, mais écoute, c'est vrai. Moi, je m'attendais à des rotations. Puis là, on a vu hier, tu as commencé le match. Tu n'as pas de Cameron Miller, tu n'as pas d'Alistair Johnson. Les deux défenseurs du CF Montréal ne sont pas dans l'alignement. Là, Steven Victoria était suspendu. Carl Laren et Tejon Buchanan commencent le match sur le banc. Donc, clairement, le coach, là, il a dit, OK, les boys, là, on a poussé au maximum nos partants dans les deux premiers matchs. Là, à cette heure, c'est à vous autres de faire la job. Ça n'a pas été parfait. Il ne fallait pas non plus s'attendre à ce que ce soit parfait. Ces gars-là n'ont pas les mêmes habitudes, n'ont pas les mêmes, la même chimie que les autres qui sont habitués de commencer tous les matchs ensemble. Donc, c'est un peu normal que, disons, il y avait un petit peu de rouille. Puis, comme vous venez de le mentionner, lorsqu'on a fait des changements à la 57e minute de jeu, puis là, tu fais rentrer Buchanan, Lahren, puis Alistair Johnston, ça n'a pas pris 10 minutes, le ballon était dans le filet. Là, vous allez me dire, ils ont joué un petit peu de chance, mais peu importe. Je pense qu'il va gagner beaucoup de points, John Herdman, là-dedans, parce que, comme vous venez de le mentionner, tous les joueurs se sentent impliqués. Tu sais, je suis dans l'équipe, peut-être que j'ai un rôle pas aussi important que tous les autres, mais j'ai mon rôle, j'ai ma place. Même Zach Beauguillard est rentré dans le match d'hier. Donc, tout le monde va se sentir bien, tout le monde va revenir avec une attitude positive. Puis ça, là, les gars, ça va être gagnant dans les prochains matchs. Ça va être gagnant à la Coupe du monde, d'avoir donné des minutes un petit peu comme ça à tout le monde. Puis surtout, sort quand même de là avec une belle victoire de 2-0. Oui, contre le Salvador hier aussi. Là. C'était pas un match facile, Benoît, également. Mais, puis il faut parler aussi du calendrier. Moi, j'en reviens pas du calendrier, Jérémy. Écoute, c'est vraiment excuse-moi l'expression. Là. Ils ont joué, jeudi passé, c'était Honduras. Honduras. Ils reviennent à Hamilton à moins 15. Ils recommencent ils retournent mardi au Salvador. C'est incroyable. Non seulement c'est le voyagement, mais pourquoi pas avoir joué en Amérique centrale dimanche et finir ça à Hamilton ou quelque chose, ou commencer à Hamilton ou finir ça en Amérique centrale? Tu sais, ça fait spécial un peu. Ouais, ben c'est sûr que normalement, dans les qualifications, tu joues un match à maison, un match à route. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous qu'on aurait pu faire une exception dans ce cas-ci. Vous savez, le Salvador et le Honduras, c'est comme Montréal puis Laval. Là. Ils sont tellement proches. Là, tu pars, ben, puis tu reviens. C'est exactement ce que Jérémy, tu mentionnais avant qu'on rentre à l'émission. Les CONCACAF, là, comment tu as dit ça, là, le terme? Là, la CONCACAF. Non, mais le terme, Jérémy, que tu disais... C'est un peu ça qu'on retrouve un peu, même dans le calendrier, même le fait d'avoir arrivé la VAR soudainement. Hop, on est rendu au 7e, 8e match. Hop, la VAR, OK, ça, on arrive avec la VAR soudainement. Puis hier, je vous rappelle un fait de jeu. Écoute, c'est 0-0 encore, avant qu'il y ait un but chanceux. Là, il était quasiment pénalty. Ah, c'était un pénalty. Excuse, mais si on va dans le jeu normal, c'est une faute. Hein? C'est une faute. Absolument. On arrive dans la zone de réparation. C'est un pénalty. Moi, je faisais du texto en même temps. On s'ostinait, la personne à qui je parlais. Non, Benoît, c'est pas un pénalty. Je te le dis que c'est une faute. Puis on n'est pas trop revenu sans VAR. On était chanceux. C'est vrai. Mais, c'est un bon point. En tout cas, mais tout qu'un but bizarre, mais quand même, on ne peut pas dire on le parlera pas. Là. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le jeu de David en fin de match, la course. Il regarde en arrière de lui. Il la met dedans. Tu sais, ça va vite tout ça. Là. Tu sais, le défenseur qui court après lui, il prend le temps de regarder. Y a-tu où est-ce que je suis, comment je me positionne, tout ça. Toc, il la met dedans. Ben, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'Alfonso Davies, c'est le meilleur joueur de la CONCACAF. Plusieurs estiment aussi que Jonathan David est probablement le deuxième meilleur joueur dans toute la CONCACAF. Okay. Puis tu as mentionné tout à l'heure Kyle Lahren. On pourrait discuter ici et on pourrait peut-être même arriver à la conclusion que les trois meilleurs joueurs de la CONCACAF jouent pour le Canada. Puis attention, les gars, parce que cet été-là, vous allez voir des joueurs comme Jonathan David et Kyle Lahren qui vont sûrement être vendus pour aller jouer avec des équipes encore plus fortes en Europe. Non, les gars, le niveau, là, il monte. C'est malade. Regardez, là, le Canada, là, la projection, c'est que la semaine prochaine, quand les classements FIFA vont sortir, ils vont être 33e. Je veux dire, il y a un an, ils étaient proches du 100e rang. Ouais, c'est 33e. C'est fou, là. Moi, j'aimerais que tu parles de l'impact de John Herdman. On va parler comme ça avec Benoît. Herdman, écoute, c'est tout un homme. Là. Allez, partir du programme féminin au programme masculin, c'est tout qu'un step qu'il a fait. Là. Ben justement, ce midi, j'en parlais avec un copain, un chum, puis... quand il a pris la barque pour le côté féminin, je me souviens qu'il a dit c'est au 14 qu'on va. C'est pas 2026, là. Tu sais, ça fait quoi, 3-4 ans qu'il a pris le programme masculin, là? Après les Olympiques, après sa médaille de bronze, je crois, au Brésil, c'est sûr. En tout cas, 2018, en tout cas. C'est au 14 que je vais être là. Puis la mission va être accomplie, je crois. Puis même rendu au 14, attention à l'équipe canadienne, j'ai hâte de voir le tirage au sort. ce ne sera pas une équipe à prendre à la facile. Là. Parce qu'on l'a vu, Danny, contre les Américains, la contre. Les Américains ont dominé, mais on sait que sur un contre-attaque, on a une attaque très puissante, très dangereuse. Donc, ils vont être à surveiller au Qatar. Si tu regardes là, les États-Unis qui sont 11e et le Mexique 14e, et le Canada a battu ces deux équipes-là, là, je ne vais pas dire facilement, mais il les a battus de façon convaincante. Donc, non, il n'y a rien... Il n'y a rien qui nous porte à croire là, que le Canada s'en va jouer les touristes du côté du Qatar. Non. Pour parler de John Herdman, c'est un excellent motivateur. Je voudrais aussi souligner l'apport de Mauro Biello parce que le cerveau dans le coaching staff, c'est Mauro Biello. Une grande salutation à Mauro Biello. Puis ce que ces deux gars-là ont fait d'extraordinaire dans les dernières années, c'est vraiment le travail de vente. C'est-à-dire que si tu recules il y a 5 ans et plus, Borjan est un Serbe, Borjan, il aurait pu représenter la Serbie aussi. Là. Ça n'est pas un exemple, ça. Exactement. Mais t'avais la grande majorité des joueurs qui avaient la double citoyenneté choisissaient toujours l'autre pays, jamais le Canada. Comprends-tu? Là, tu t'assois avec ces gars-là et tu leur dis, viens donc jouer avec le Canada. Tu vas jouer avec Alfonso Davies, Jonathan David, Carl Lahren. On va aller à la Coupe du monde. Là, le jeune, il dit, oh, père, ouais, c'est le fun, ça, là. Fait que la job qu'ils ont fait de convaincre surtout des plus jeunes talents de venir jouer avec le Canada, ça, c'est de l'or en barre. Puis à cette heure, ça va se vendre tout seul. Ils n'auront même pas besoin de les convaincre. Justement, Jérémy, ça va être quoi l'impact sur le développement du soccer au Canada et au Québec? Massif. Parce que là, tu sais, ça fait des années qu'on dit, comment se fait-il qu'on a le membership les plus grands? C'est ça, on l'a entendu, ça, là. Qu'on n'est pas capable d'avoir des joueurs et de transformer ça. L'impact va être majeur, hein? Majeur. Je vais donner un exemple. Moi, mon fils, c'est un amateur de soccer. Avec ses amis à l'école, il parle souvent de soccer, mais il parle de quoi? Il parle des championnats européens, il parle de la Ligue des champions de l'UEFA. Mais là, à ta minute, ils peuvent parler d'équipe Canada dans la même phrase que ces championnats-là. Parce que tu as Jonathan David qui est potentiellement le meilleur marqueur en France, à Lille, qui joue contre le PSG, Messi, Neymar et compagnie. Ils peuvent parler, par exemple, d'Alfonso Davies qui joue dans la Bundesliga. Donc, ils sont maintenant capables de rejoindre les deux bouts. Le bout qui les intéresse, le plus haut niveau dans le monde, et le soccer qu'on a ici. Et là, tu fais d'autres liens. Parce que là, tu te retrouves avec des joueurs du CF Montréal comme Alistair Johnston, comme Al Miller, qui sont des partants avec le Canada. Samuel Piet, Zachary Broguillard, James Pantémis, des Québécois qui ont grandi ici, qui ont fait leur soccer, puis ils s'en vont eux autres aussi avec cette équipe-là à la Coupe du monde. Donc là, tout d'un coup, tu dis, OK, là, c'est vrai, là, c'est wow. Donc, ça va avoir un effet boule de neige massif sur la popularité du soccer au Québec et au Canada. En parlant de ça, Jérémy, Danny... Moi, je suis dans le conseil d'administration de mon ARS ici régional. On a déjà eu un membership de 5 400 joueurs. Ça a diminué. Bon, le COVID, on n'en parlera pas. Mais avant le COVID, ça avait commencé à diminuer un peu. Et là, parce qu'on parle des gars, mais écoute, il y a le volet féminin qui est très présent là, avec l'équipe féminine. Donc ça, c'est sûr, ça va donner un boom. Et j'ai hâte de voir au niveau des clubs de la région, juste ici régionalement parlant, je pense que ça va donner un bon boost, là, comme Jérémy l'a mentionné. T'as la Coupe du Monde est en novembre, peut-être pas cette année, là. Mais l'an prochain, c'est sûr. Mais comme regarde, juste tantôt, je vous parlais du chandail Canada. Tu sais, je veux dire, moi, je suis un Québécois, tu l'as dit, nationaliste. J'ai parlé à Olivier Brett, il m'a donné un message, j'ai dit, ça va me faire drôle, un gars du lac Saint-Jean, que je vais porter mon gilet du Canada parce que je ne l'ai jamais mis, je n'ai jamais voulu le porter. Puis je vends des chandails un peu. Danny, tu es au courant un petit peu, tu sais. J'ai des kiosques de chandail à Alma. J'étais allé à Montréal cet été. Il y a un club qui m'a invité à aller vendre des kiosques, des chandails de soccer. Et mettons que c'est la place pour en vendre, pour les petits bouts et tout ça. Et là, pour aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai dit, le chandail du Canadien, tu sais, je suis enseignant dans les écoles en éducation physique et je vais porter le chandail à l'école du Canada alors que je n'ai jamais voulu rien savoir. Tu sais, ça fait drôle. J'ai commandé 3 chandails du Canada pour mon fils, le blanc, le rouge et le noir. Et écoute, depuis l'été passé, il les porte en rotation. On ne manque pas un match. On regarde les matchs ensemble. C'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir vivre ça. Puis les gars, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Tu sais, j'ai écouté Olivier Renard, justement, en entrevue avec Olivier Brett. Dans l'équipe du CF Montréal, c'est sûr que là, tu as Maxime Crépeau là-dedans. David Chouanière est dans le taxi squad. Ça s'en vient, David Chouanière. Il monte. C'est un gars qui va peut-être faire partie de l'équipe. Sébastien Breza, un autre Québécois qui va probablement faire partie de l'équipe nationale éventuellement. Donc, les Québécois, ils vont en avoir de plus en plus dans cette équipe-là. Donc, non, guys, c'est juste le début. C'est juste le début. Hey, je vais arriver avec un sujet que vous allez être d'accord les deux. Jérémy, je t'ai écouté dans les Jérémy. D'ailleurs, un podcast qui est le mardi et le vendredi, je vous invite à écouter avec Jérémy Rainville. Puis, tu as déploré le fait que le match de Hamilton... puis que Montréal n'est même pas proche. On ne parle même pas de Montréal dans la discussion, puis tu as déploré ça. C'est une honte. Et regarde, je pense que vous allez être tous les deux en accord et pas à peu près. Là. Non, mais écoute, la réalité, c'est que la volonté politique et aussi de la communauté d'affaires au Québec, c'est disgracieux. Ça fait vraiment honte. Comme dit toujours mon ami Tony Marinaro ici à la radio, on a trois stades, mais on n'a pas de stade. Ah. À chaque fois qu'on veut faire un événement, il y a toujours un problème. Le fait que le gouvernement québécois ait craché sur la Coupe du monde 2026, ça fait en sorte que, honnêtement, entre vous et moi, Soccer Canada n'a pas vraiment le goût de venir jouer des matchs ici. Et je les comprends. Ah oui. On a un stade olympique avec une surface qui n'est pas adéquate. Ça prend une éternité. Ils disent qu'ils vont changer la toile, la surface. On ne sait pas quand. C'est vraiment honteux. On crache sur le sport professionnel. On n'en veut pas. Après ça, on voit la parade passer et on se dit comment ça se fait qu'on n'est pas là? Ben oui, mais c'est ça. Il faut être santé. Il ne faut pas tailler notre système de santé. Des questions comme ça, Danny. Questions comme ça, Danny, oui. Jérémy. Tu sais, parce qu'on dit stade olympique, mais admettons que le Canada est encore en lice. Même si le stade n'est pas rénové, il n'est pas refresh, il n'y a pas de refresh pour le stade. On a vu les conditions à Edmonton, les conditions à Hamilton. À Edmonton, c'est quelque chose de terrain quand même. Là. Le stade olympique aurait pu recevoir dans l'état qui était là. Ouais, oui ou non? Admettons un match contre... Hein, je pose la question contre le Mexique. On a vu le stade à Edmonton. Je m'excuse. Non, je sais, mais... Ouais. Mais la surface de jeu ici, là, les joueurs, là, ils la détestent. Ouais. Encore une fois, on a vu des joueurs du CF Montréal la semaine passée se blesser sur cette surface-là. C'est toujours la même affaire. Année après année. C'est le même problème qu'on a depuis que l'impact existe. On n'est pas capable d'avancer, on n'est pas capable de faire des pas en avant. Ça n'a pas de bon sens. L'impact, c'est pas là, non plus, là, quand même. Là. Ça, c'est un autre débat. Là. Mais Jérémy, là, je vais parler un peu de baseball, mais je vais arriver avec. Tu sais, il y a quelques semaines, quand le projet a tombé, là, moi, j'ai dit à Frédéric Deck, c'est un de mes chums, Frédéric Deck, j'ai dit Frédéric, c'est pas normal que Montréal, qui est une ville majeure en Amérique du Nord, n'a pas de stade moderne. Et là, oublie le sport. Là. Il y a une de mes amies qui est allée au Gillette Stadium à un show de musique, un groupe, il y avait 80 000 personnes. Tu veux faire ça ici au Québec? T'es pas capable. Non, mais tu sais, on vit sur une autre planète. Ouais. On a un stade qui a été bâti dans les années 70, mais on pense que c'est encore. La septième merveille du monde. Alors, la réalité, c'est que tous les stades en Amérique du Nord qui ont été bâtis à cette époque-là ont soit été démolis ou ils ont été grandement rénovés. Pensez au BC Place à Vancouver qui a été bâti dans les années 80, 10 ans après le nôtre. Puis ils ont mis 500 millions, 600 millions pour le mettre au goût du jour. Puis là, ils ont un beau stade flambant neuf, ultra moderne. Mais à un moment donné, les gars, je veux dire, si ton toit, il coule... Et crime, tu ne peux pas attendre 10 ans pour le réparer. Non. Tu le répares, là, sinon. Ouais, le fait de dire, on va, les arguments, là, on va avoir un 3 matchs, ah, ça coûte cher, les événements. Mais M. Millien, on l'a mentionné avec toi, Danny, qu'il y a du deal à faire avec la FIFA. Il y a un deal à faire. Quand ils ont reçu la Coupe du Monde dans les années antérieures, on a eu la Coupe du Monde U20, la Coupe féminine. On a déjà eu la FIFA. Il y a eu du deal qui se sont fait. M. Millien était dans les organisations de ça à ce moment-là. T'sais, ça aurait été la même chose. Puis moi, on aurait pu espérer, en tant que Québécois, avoir un match avec un beau stade rénové, un match amical, Canada-France. Imagine-toi ça à Montréal, même si ce n'est pas dans un match officiel. On aurait pu avoir un match comme ça aussi. C'est sûr. Mais je sais que les gens du Parc olympique, pour les avoir rencontrés, ils ont des projets, ils ont des idées, ils veulent amener des événements ici. Le problème, c'est que ce n'est pas dans leurs mains. Puis tant que le toit n'est pas remplacé, ils ont les mains attachées. Puis il n'y a personne qui est capable de savoir quand est-ce que ce fameux toit-là va être remplacé. Puis pendant ce temps-là, ben la parade à part, nous autres, on n'est jamais dedans. C'était franchement vraiment honteux. Jérémy, dernier point, parce que je vais te laisser, tu t'en vas au 98.5. Puis moi, je l'ai dit, c'est ma politique. Je ne veux pas trop des podcasts trop longs. Je veux que tu me parles de ta visite au bureau de la CONCACAF. Tu es en Floride, là, on voit tout le décor en arrière. C'est-tu bien gros, d'abord? C'est-tu gros? Ben, écoute, ils sont au centre-ville de Miami maintenant. C'est au 13e étage. Ouais. Je te dirais qu'il y a, je ne sais pas, à peu près 10 000 pieds carrés, là, mais c'est ultra, ultra, ultra moderne. T'sais, les employés à qui j'ai parlé hier m'ont tous dit « on est tellement bien, c'est maintenant moderne, on se sent bien ». Puis surtout, ils ont le sentiment que Victor Montagliani, qui est un Canadien, qui était en fait le président de Soccer Canada avant, maintenant il est rendu président de la CONCACAF, a vraiment cette volonté-là de faire évoluer le soccer nord-américain. Puis moi, je suis d'accord avec lui, parce que pour moi, la CONCACAF, là, elle a énormément de potentiel. Juste avec le Canada, les États-Unis et le Mexique, tu as des énormes contrats de télévision qui peuvent se signer. Tu as du potentiel là, tu as de la clientèle qui a de l'argent. Tu pourrais, si tu fais bien les choses, devenir une des deux ou trois plus fortes fédérations de soccer au monde. La UEFA va toujours rester la première. Peut-être que l'Amérique du Sud demeurera toujours la deuxième, je ne le sais pas. Mais il y a un potentiel là. Il faut que la CONCACAF arrête de faire rire d'elle. Là, on arrive avec la reprise vidéo et tout ça. Ouais. On veut rehausser les standards des qualités d'image à la télévision, puis tout ça. Ben, c'est ça. Est-ce si que tu veux prendre ta place... Il pourrait avoir une fusion de la Gold Cup avec la Copa América et faire une... C'est-tu dans les plans? Il me semble que ce serait... C'est des organisations. Ben, écoute, Canada-Brésil, ça serait pas mal plus vendeur. Chacun sur leur bord. Là. Chacun tire sur les affaires. C'est une question d'argent. C'est du gros cash aussi. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, écoute, moi, je pense qu'il y aurait toujours moyen. T'sais, on voit souvent, il y a des équipes invitées. Le Qatar a été invité à la Gold Cup là, la dernière année ou celle avant, je ne me souviens plus. Il y a des équipes invitées et tout ça. Mais si le soccer veut prendre sa place parmi les sports les plus populaires en Amérique du Nord, ben c'est ça. T'sais, ils doivent prendre du galon puis démontrer qu'ils sont sérieux. Maintenant, c'est sûr que dans les autres ligues, tu dis le football, le baseball, c'est juste le Canada et les États-Unis, c'est plus facile à régir. La CONCACAF, il y a 41 pays. C'est pas facile, là. Danny, tu parles de Gold Cup, Copa América, mais là, il faut briquer à FIFA. Là. La FIFA, là, le président de la FIFA n'arrête pas là, avec son intention de faire une coupe de 2 ans. Là. Qu'est-ce que ça va faire avec toutes ces coupes-là? Ça n'a pas de bon sens. Non. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Tout le monde dit non à ça, puis tu entends l'autre côté, la FIFA, qui a l'air à pousser son projet. Ouais, ça n'a pas de sens quand même. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est ça. Jérémy, c'est ça. Merci beaucoup. On va se reparler de temps à autre. Très intéressant. Bon voyage et j'espère que tu n'en reviens pas trop. Profite-en, puis reste là le plus longtemps que tu peux. Hey, Jérémy, tu aurais pu avoir le choix de venir au Lac-Saint-Jean aussi. C'est moins 30. moins 30, c'est écoute, vrai. C'est pas que j'aime pas le Lac-Saint-Jean. Ben, à 3 heures d'avion, c'est combien d'heures d'avion, Montréal-Lac-Saint-Jean? Bon, 2-3 heures, je suis en Floride. Ouais. Ah, non, c'est pas la même affaire du tout. Puis c'est pas juste ça, c'est même Jérémy, si le Canada se qualifie, est-ce que tu vas au Qatar? C'est déjà planifié avec les patrons. Je leur ai déjà dit depuis déjà à peu près 6 mois, si le Canada va à la Coupe du monde, je vais aller au Qatar. Ils sont au courant et ils ont tout ça dans leur tête. Donc, c'est compliqué, accréditation. Parce que lui, veut y aller. Il y a 2 Coupes du Monde. Benoît était à 2 Coupes du Monde. 3 Coupes du Monde, Benoît. J'ai vu 7 matchs, dont la finale, là, Jérémy, en Russie. J'étais dans le stade France. Je t'enverrai un lien de ça, mais je me suis fait un montage vidéo photo. J'ai vu le match France-Croatie. J'étais là. Ben, écoute, le plan, c'est ça. Le plan, c'est d'y aller puis de couvrir l'équipe Canada mur à mur. Donc, je me croise les doigts en espérant de pouvoir être sur place au mois de novembre prochain. Donc, on invite les gens à l'Écouteau 98.5, IMC Radio également. Ça coûte peut-être IMFC Radio. IMFC Radio. 3 piastres par mois, je pense, Benoît, Jérémy. On est rendu à 6,50. En fait, ça dépend si tu payes en US ou en canadien. Mais je pense que c'est 3-4 piastres US. Là, ça a-tu remonté un peu? Parce que moi, l'Impact, j'ai aucun intérêt pour l'Impact. Je te le dis tout de suite. Là. Pas parce que j'aime pas MLS, c'est parce que pour les raisons que tu sais. Ouais. Mais on a perdu beaucoup de supporters au cours des 2-3 dernières années. La pandémie, mais aussi des décisions vraiment pas populaires de la part de l'organisation. Mais présentement, c'est quand même positif, surtout avec le fait qu'il y ait autant de joueurs avec l'équipe nationale canadienne. Ouais. Des gens prennent goût, puis c'est ça, en espérant que... Avant de terminer, Jérémy, hier, Kyoto, aux États-Unis, Minnesota, problème, débarqué à demi parce qu'il y a eu... était gelé, c'est ça? Hypothermie, j'ai entendu. C'est ça, la Fédération hondurienne a tweeté qu'il était sorti du match pour raison d'hypothermie, mais Kyoto a tweeté hier soir ou ce matin que tout allait très bien. Puis d'ailleurs, il est déjà rendu ici en Floride. Il va rejoindre l'équipe probablement demain. Je ne pense pas qu'il va jouer le match de demain soir, mais il est là, donc toute l'équipe revient. Il y aura un match demain soir contre Miami. Je serai présent d'ailleurs. Les gens vont pouvoir me suivre soit du côté du 98.5 ou du côté de IMFC Radio. Ouais. Je serai sur place pour faire un compte-rendu de ce match-là. Donc, là, Jérémy du 98.5, IMFC Radio également. Il y a un podcast qui est démuté depuis la semaine passée qui s'appelle « Les Jérémy avec Jérémy Inville ». Vous pouvez l'écouter le mardi et le vendredi. Ben, moi, vous pouvez le télécharger en tout temps, Marvin. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Bon fin de voyage en Floride. Et au plaisir de se voir. Merci. Jérémy Filosa du 98.5 et Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Merci, salut. Messieurs. Yes. Tiens, puis? Très bon. Regarde, je suis beau. Ben non, quand je t'ai vu que tu as changé des alouettes du Canadien. Hein? Du Canada. Tu dis, j'avais deux, écoute, j'avais deux choix. Là. Ce gilet-là, le gilet de ben toi, ça doit faire ton bonheur, tu es un fédéraliste. Ouais, non, moi, je ne suis plus rien. Moi, je ne suis plus rien. Moi. Non. Moi, arrive-moi avec un PM qui a de l'allure. Hey, écoute, je trouve ça drôle de me voir avec un gilet du Canada. Ouais. C'est très drôle. Là, tu t'en vas avec notre ami. Des gilets, j'en ai. Moi, des gilets d'année, j'en ai au-dessus d'une centaine, 150 des gilets de soccer. Là. Ouais. Brésil, Uruguay, Argentine, Messi, Barcelone. Tu ne carrerais pas ça dans ma collection. Là. À moi, ça, c'est celui-là que je vends. Là. Ouais. Bon, ben, c'est bon, ça repart. Hey, tu vas-tu me l'envoyer? Comment ça marche? Ben oui, je vais te l'envoyer par YouTube. Hein? Tu me mets sur YouTube. Puis moi, je vais aller le downloader. Ouais, non, je vais te. Ouais, tu peux faire ça. Tu vas le monter? Tu vas le monter ou quoi? Ouais, ben regarde, je vais t'en envoyer puis tu feras ce que tu voudras avec. OK? Ah, OK, c'est beau. Oh, salut. Salut.